Je roule à 80 km/h. Je peux enlever le régulateur, réponse A. Régler le régulateur sur 70, réponse B. Freiner, réponse C.